Pour vos différents travaux en mécanique, l'équipe de Jean Lapierre Mécanique est la solution. Une équipe d'experts qui saura bien vous conseiller et à prix fort compétitif. De plus, nous faisons la réparation et la vente de remorques et nous sommes autorisés de la marque Gator, Jean Lapierre Mécanique, 448 Principal à Saint-Prime. 418-251-1394. Toute notre équipe est fière de commanditer la chronique de Dominique Godbout de Décanquer de Saint-Prime et souhaite une bonne année à tous les joueurs. On va parler de deck hockey. C'est une commandite du garage Jean Lapierre de Saint-Prime. Et pour toute réparation, que ce soit au niveau mécanique, également les freins silencieux, ben c'est le garage Jean Mécanique qu'il faut voir de Saint-Prime. On va parler avec Dominique Godbout. Dominique Godbout qui est le responsable du deck hockey à Saint-Prime. Parlez un peu d'une grosse activité qu'il y a eu en fin de semaine. Il y avait un gros tournoi. 18 équipes étaient présentes. Salut Dominique. Salut l'ami, ça va bien? Oui, ça va bien, ça va bien. 18 équipes étaient au programme. Je pense que c'était, au départ, moi je pensais que c'était la grosse activité de l'été. Est-ce que c'était ça vraiment qui était prévu? Ben, en fait, c'est ça qu'on voit toujours le plus gros possible. Mais moi, personnellement, pour une première édition, je trouve qu'on peut être satisfait dans l'ensemble sur plusieurs points. Nombre d'équipes, 18, c'est sûr que c'est pas astronomique. Mais faut regarder aussi qu'avec la fin de semaine de la traversée, il y a eu beaucoup d'activités un peu partout, tournoi de hockey sur glace. Moi, si je vois avec l'optique d'un premier tournoi, si je compare à Québec, centre comme des hockey par neuf, qui a une surface extérieure, qu'eux, ils ont commencé environ dans ces environs-là, je trouve que c'est quand même acceptable. Mais il y a aussi plusieurs points positifs à reprendre de ça, c'est qu'il y avait beaucoup de spectateurs qui se sont déplacés, malgré qu'il y avait beaucoup d'autres activités touristiques pendant la fin de semaine. On a inauguré aussi notre bar avec le permis d'alcool, donc ça vient de donner un coup un peu plus pour l'ambiance, tout ça. Fait que ça, c'est le fun pour ça. Puis je pense que les équipes qui sont venues ont apprécié aussi, malgré que ce soit un premier tournoi, c'est sûr qu'il y a tout le temps des points à améliorer, puis ça, on en est conscient. Moi, j'ai eu beaucoup d'expérience dans les tournois, puis l'erreur que j'ai faite cette fin de semaine-là, c'est que j'étais probablement pas assez de staff pour qu'est-ce qu'il y avait à rouler. Même s'il n'y a pas beaucoup d'équipes, il y a quand même une bonne charge de travail aussi à mener. Mais dans l'ensemble, on est quand même satisfait. Puis je pense que les équipes ont apprécié. Fait que ça, c'est un bon départ pour nous dans cette optique-là. Oui. C'est sûr et certain que les autres années, on va vouloir plus d'équipes, mais ça, c'est un travail en progrès aussi. Ben, c'est du rodage, mais moi je vous dirais la date, c'est peut-être ça qui n'a pas aidé. Là. La date, là, on a traversé. Si on offrait ça, honnêtement. Ouais. Oui. C'est sûr qu'on parle de la traversée tout, mais le gros, là, c'est qu'il y a deux ans, on aurait placé ce tournoi-là, cette date-là. Ça aurait probablement plus pogné. Parce que la raison est simple, c'est que des tournois de deck hockey, il y en a pratiquement chaque fin de semaine, partout dans la province. Puis souvent aussi, on compétitionnait aussi en fin de semaine avec un tournoi féminin d'une seule journée à Grimby, qui est quand même très populaire, qui est offert par le 10 deck hockey 10-10, que les filles qui sont habituées sont quand même habituées à aller s'adresser à ces tournois-là. Fait qu'il y a tout le temps de la compétition de fin de semaine en fin de semaine, peu importe l'événement. Puis on reste en région éloignée aussi, faut pas oublier ça, faut jamais oublier ça non plus. Mais question, pour une autre année, ça pourrait être soit la Saint-Jean-Baptiste ou même la Fête du Travail. Fête du Travail, il se passe plus grand-chose, puis il fait des belles journées encore, il y a vraiment des belles journées encore, là. Non? La Fête du Travail, c'est une belle optique aussi. Saint-Jean-Baptiste, je suis moins sûr un peu, parce que historiquement, quand on a un jour férié, c'est dur d'avoir des équipes de plus. Oui, c'est une fin de semaine qui peut être propice à jouer au décorté, mais souvent, les équipes, en plus, le monde en profite pour décrocher, aller en vacances, tout ça. Puis, c'est sûr que Saint-Jean, ben, il y en a qui la célèbrent aussi. Fête du Canada, un peu moins. Il y aurait peut-être plus de chances à la Fête du Canada, mais ça dépend souvent, comme, tu sais, faut pas sous-estimer les événements en région. Comme cette année, on l'aurait fait à Saint-Jean, il y a la Saint-Jean, il y a le Rockfest à Montebello aussi, il y a beaucoup de joueurs qui vont y aller aussi. C'est, faut prendre en considération tellement de facteurs, c'est dur, là. C'est un peu un pari à chaque fois. Mais Saint-Jean-Baptiste, c'est sûr qu'il y a une activité à Saint-Félicien majeure, mais ça pourrait être beau, pas Saint-Jean-Baptiste, mais à la Fête du Travail, par contre, là. Parce que, tu sais, il reste plus grand chose en région. Parce que, il y avait également ici, plus au nord, il y avait le festival de la Fête de la Gourgane à Albanel aussi, là. Donc, ça aussi, là, c'était un autre festival. Il y avait une panoplie de festivals. Les gens qui voulaient faire de quoi en fin de semaine, c'était pas l'action qui manquait. Exact. Ouais. Là, tu veux me parler de la saison 2. Ben, avant, on va donner les gagnants, peut-être. Avant, je les ai parlé dans le bulletin de sport local. Là. 18 équipes étaient au programme. Donc, vas-y avec les gagnants. La grosse classe, la classe D, qui était notre plus forte, on a Azurco Division Biologique. C'est du monde de Robertval avec pas mal de monde de jeunes qui jouent dans notre équipe. Donc, un peu une saveur locale. Eux, ils ont battu en finale l'équipe Asvin de Décanquier-Lac-Saint-Jean, donc Décanquier-Saint-Nazaire, qui, eux, sont venus nous dépanner parce que eux étaient inscrits dans le E. Ils ont accepté de jouer dans le D aussi pour compenser. Donc, bon bout de chemin dans cette catégorie-là aussi. Donc, c'est tout à leur honneur aussi, parce qu'ils ont joué plus de parties, je veux pas, que les autres. Mais Azurco, un parcours parfait pendant cette semaine, vraiment dominant. Des belles games, mais pas sans massacrer personne. C'est vraiment une belle classe, tout ça. OK. Donc, aussi, si on parlait maintenant du côté de les filles Blackout qui a défait une formation qui s'appelle les Bonsai, c'est ça? Exact. Blackout, qui était majoritairement des joueurs de soccer, moins d'expérience de deck un peu. Bullseye, une équipe bien rodée qu'on est habitué de voir au Coupe Burroughs un peu. Ben, ça a donné des belles parties. La vitesse et le cardio a eu le dessus un peu, mais ça a fini une partie 1-0, dernière minute de jeu, un but. Donc, une partie très dans le ventre des deux bords. Donc, c'est un beau show à voir. Différent un peu des gars, mais quand même, il y avait beaucoup de vitesse dans ce que je voyais. J'étais surpris. Les filles, le calibre, est-il pas pire? Honnêtement, moi, ce que j'ai vu, c'est pas si pire. C'est sûr que là, on avait quatre équipes, mais le calibre était quand même semblable. Les deux équipes en finale, peut-être une coche de plus que les autres. Mais la coche est là à cause de l'expérience aussi du jouer en tournoi, je pense. Parce que la game de tournoi, la game de saison est pas pareille. Moi, personnellement, pour un premier tournoi, je trouve que le calibre est quand même pas si pire. C'est sûr que les filles, c'est toujours difficile à gauger. C'est dur d'avoir des équipes plus de gros calibre tout le temps. Okay. Non, pour une seule classe, je trouvais que c'était quand même relevé. Maintenant, l'ASBAC de Drummondville, c'est le fun de voir des équipes de l'extérieur venir ici. Eux ont perdu contre le... Ben, ça, je pense que tu nous as même parlé contre le deck de Saint-Nazaire. Exactement. Ça, c'est dans la classe E. Ouais. Clairement, les deux meilleures équipes qui ont une coche en haut. ASBAC, une équipe là, vraiment habituée de jouer ensemble, beau hockey. Aussi, qu'est-ce qui est le fun aussi, Abdiak, je pense qu'ils ont bien aimé notre tournoi. Une équipe de Drummond qui est habituée à, on ne se le cachera pas, à la crème de la crème, parce que Drummond ont bien rodé depuis longtemps. Des commentaires comme ça, c'est sûr que c'est le fun d'entendre, parce qu'eux sont habitués vraiment à quelque chose de bien. Ils ont apprécié le travail qu'on a fait. Ben, ça, c'est un bon plus pour nous, je pense aussi. Puis en termes de réputation à Drummond, au nombre de joueurs qu'il y a, ben, ils vont en parler un peu. Parce que ça va nous amener du nouveau monde. Donc, c'est très bien pour ça. OK. On va y aller maintenant avec... tu recherches des équipes pour l'inscription pour la saison 2. C'est-tu parce que le cégep va commencer bientôt, l'université va commencer... Ça a-tu un lien? Je dirais que c'est dur à dire. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Je pense qu'il y a des facteurs aussi que par beaucoup de locations sur glace aussi, parce que les heures de glace, je veux pas, c'est plus facile à avoir, je pense, dans le coin ici. Donc, peut-être qu'il y a du monde qui priorise les heures d'entrée sur glace, parce qu'il faut comprendre que, si je prends l'exemple de Québec, il y a du monde qui font les deux, mais leur saison de hockey sur glace, d'habitude, c'est pas au même temps, un peu, donc c'est facile de faire les deux horaires en même temps. Ici, tu sais, si on est capable d'avoir une glace à 7h à Saint-Félicien, ben, c'est sûr que c'est dans les heures du glace ici, donc peut-être que ça coupe sa clientèle. Beaucoup de jeunes aussi qui vont dans les camps d'entraînement de hockey, ça peut être ça aussi. C'est sûr que nous, on voulait faire deux demi-saisons parce que pour calibrer les équipes, pour s'ajuster, c'est mieux comme ça. Mais à la prochaine saison, c'est sûr et certain que ça va être une longue saison. Comme ça, on sait à quoi s'attendre dès le début. OK. Donc, aussi, évidemment, là, avec. C'est une année de rodage aussi. Il ne faut pas oublier ça. Là. C'est une année de rodage que ça va la main faire pour les dates aussi. Tu veux me parler du repêcheur des 35 ans et plus? Ça va lieu ce vendredi. Exact. 35 ans et plus, là, présentement, on a 6 capitaines de signer. Eux, on avait 4 équipes au cours de la saison. Eux vont garder des joueurs réguliers. Ils ont l'option de garder des joueurs réguliers qu'il y avait avec eux ou s'en échanger comme tel. Ils sont une liste de noms. Puis après ça, ils vont aller piger, donc repêcher, dans la liste d'agents libres qu'on a pour compléter leur équipe. OK. Donc... Qu'est-ce qui est intéressant pour, dans le fond, comment ça marche, c'est que le joueur régulier, dans le 35 ans et plus, va payer 150 pour la saison, va avoir accès à toutes les parties. Puis pour les dépanner, si les autres capitaines ont besoin de remplaçants, pendant la saison, on va autoriser à ce que quelqu'un d'une autre équipe aille les dépanner. Donc, en étant régulier, ça leur donne le droit d'aller jouer des games de plus pour aller dépanner. Et les réguliers, à chaque partie, vont avoir un coupon 2 pour 1 au bord. Donc ça, c'est un gros avantage vis-à-vis quelqu'un qui s'inscrirait juste comme remplaçant, que lui, quand il va aller remplacer une partie, ça va être lors de la partie. Et ça, ça va créer un engouement aussi avec ceux qui veulent remplacer vont voir les avantages des réguliers. Donc, pour la suite, monter à plus d'équipes pour l'été prochain. Okay. Donc, je pense que c'est une bonne chose aussi. OK. Aussi, ça avance-tu pas mal le dossier d'une saison hivernale là, avec un dôme? Parce que je sais que le promoteur Jean-Lapierre voulait vraiment là un dôme, voulait que ça se poursuive au niveau... Je sais que l'objectif, c'est d'avoir éventuellement quelque chose de couvert pour l'hiver, qu'on peut jouer pour l'hiver aussi. Ouais, c'était l'objectif. Mais les détails, par contre, c'est encore en rodage. Donc, ça, je peux pas vraiment rien divulguer pour le moment. OK. C'est dans les plans d'avoir intérieur. Oui, c'est sûr, parce que pour avoir une continuité, c'est nécessaire d'avoir une surface intérieure, parce que sinon, on recommence un peu à zéro à chaque fois. Ça, tu perds l'engouement un peu. Ben, mais oui. En ayant quelque chose de fixe l'hiver, oui, c'est sûr que ça projette le deck beaucoup plus haut en ayant une surface disponible l'hiver. Et aussi avec les heures de location qui sont de plus en plus difficiles à avoir, ben quelque part, ça peut être un petit complément. Y a-t-il autre chose à ajouter, Dominique, en terminant? Ben, en fait, moi, ce que je vous invite le monde aussi à regarder sur notre site Internet, ouais. On va faire de la publicité sur Facebook beaucoup cette semaine là, au niveau de location, juste pour le fun, une fois de temps en temps, une heure et demie avec des prix fixes. Les fêtes d'enfants, les parties de bureau, les fêtes d'enfants, on peut fournir la surface avec un goûter en collaboration avec l'épicerie, le marché Richelieu à côté. Fait que ça, c'est bien aussi. Parties de bureau ou des bureaux qui veulent se prendre faire des locations une fois semaine. Ça va-tu pas pire? Pour des locations. Ça va-tu pas pire? Ben, ça reste... Ouais. C'est ça qu'on essaye de développer. Moi, quand je suis arrivé, c'est sûr que mon but premier au début, c'est de replacer la ligue, de bien la partir et tout. Mais là, c'est sûr que deuxième demi-saison, vu qu'on a moins d'équipes un peu, ça va être ça le focus aussi, tout en s'occupant des équipes, de développer ce marché-là aussi. Parce que c'est aussi, sinon, plus important, plus gros que les équipes. Parce qu'avoir une gang qui veut jouer pour le fun, régulier, eux, on peut leur offrir arbitre, statistique, marqueur, comme s'ils seraient dans la ligue. Mais eux vont jouer juste pour le fun contre leur chum. Ça va peut-être moins brasser un peu ceux qui ne sont pas disponibles tout le temps pour jouer de la saison. Ça, c'est une belle option pour eux aussi. OK. Évidemment, c'est... Hey, il y a le permis de boisson, là. Je me mets dans la peau d'un promoteur. Ces gens-là ont investi énormément d'argent, là. Ils devaient-tu avoir honte un peu que ça arrive? Oui. Ben, c'est sûr que le permis d'alcool, on a été un peu déçus de ne pas l'avoir pour les soirs des finales. Ben. Parce que ça leur a été bien aussi. Mais quand même, un mal pour un bien. On l'a eu pendant le tournoi. Ça a bien pogné, puis c'est sûr que ça a aidé. Je pense que le bar a bien roulé, honnêtement, aux commentaires qu'on a eus. Puis il a fait beau aussi, donc ça a aidé. Mais non, c'est sûr que... Puis tu sais, j'étais content parce que les joueurs ont été habitués à apporter leur alcool à eux. On a mis des avis strictement interdits d'apporter l'alcool parce que, bien entendu, on l'a eu, on veut pas le perdre, et on veut pas qu'une équipe soit responsable de ça. Que veut pas, c'est ça qui risque d'arriver. Mais beaucoup d'équipes qui étaient habituées à porter leur bière sur place, en fin de semaine, ils ont respecté les consignes, sont allés consommer au bar aussi. Tu sais, c'est une chose de respecter les consignes, mais est-ce que il va aller nous encourager avec le bar? Ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Ça a été très bon de ce côté-là. Ben, effectivement. Tu sais, tu mets 100 000 $ et même plus dans ce projet-là. Exact. Tu sais, le bar, tu sais, on parle de bar, c'est alcool, mais il y a aussi Gatorade, de chocolat, galette à l'avoine. Tu sais, c'est dans tournoi comme ça, des petites affaires comme des suppléments, c'est toujours le fun aussi. Oui. Donc, Nick, on s'en reparle possiblement la semaine prochaine, je suis en vacances. On s'en reparle dans 2 semaines pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Parfait. On Donc, va pouvoir te parler. De toute façon, la saison va risque d'être mise en branle. Ouais. On va pouvoir regarder avec ça il y a les développements. Donc, on rappelle évidemment que si vous avez besoin de mécanique pour de réparation, allez voir Jean Mécanique, qui est le commanditaire de l'entrevue. Donc, vous pouvez le rejoindre au 251-1394. Merci beaucoup. On s'en parle la semaine prochaine, Dominique. Merci, Danny. Voilà, Dominique Golbout du Tech Hockey à Saint-Pierre.